Premier livre des Chroniques, chapitre 10. Or les Philistins combattirent contre Israël, et ceux d'Israël s'enfuirent devant les Philistins, et tombèrent blessés à mort en la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent et atteignirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, les fils de Saül. Et le combat se renforça contre Saül, de sorte que ceux qui tiraient de l'arc le trouvèrent, et il eut peur de ses archers. Alors Saül dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent, et ne fassent de moi selon leur volonté. » Mais celui qui portait ses armes ne le voulut point faire, parce qu'il craignait beaucoup. Saül donc prit son épée, et se jeta dessus. Alors celui qui portait les armes de Saül, ayant vu que Saül était mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi mourut Saül, et ses trois fils, et tous ses gens moururent avec lui. Et tous ceux d'Israël, qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'ils s'en étaient fuis, et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville, et s'enfuirent, de sorte que les Philistins y entrèrent, et y habitèrent. Or il arriva que dès le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils étendus en la montagne de Gilboa. Et l'ayant dépouillé, ils lui ôtèrent la tête, et ses armes, et les envoyèrent au pays des Philistins tout à l'environ, pour en faire savoir les nouvelles à leur dieu, et au peuple. Ils mirent ses armes au temple de leur dieu, et ils attachèrent sa tête dans la maison de Dagon. Or tous ceux de Jabès de Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les vaillants hommes d'entre eux se levèrent, et enlevèrent le corps de Saül, et les corps de ses fils, et les apportèrent à Jabès, et ils ensevelirent leurs os sous un chêne à Jabès, et jeûnèrent pendant 7 jours. Saül donc mourut pour le crime qu'il avait commis contre l'Éternel, en ce qu'il n'avait point gardé la parole de l'Éternel, et qu'il avait même consulté l'esprit de Python pour savoir ce qui lui devait arriver. Il ne s'était point adressé à l'Éternel, c'est pourquoi l'Éternel le fit mourir, et transporta le royaume à David fils d'Isaïe.